Zacharie chapitre 14. Voici, il vient un jour pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. J'assemblerai donc toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, et les maisons pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville sortira en captivité, mais le reste du peuple ne sera point retranché de la ville. Car l'Éternel sortira, et combattra contre ces nations-là, comme il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté d'Orient, et la montagne des Oliviers, sera fendue par le milieu, vers l'Orient et l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée, et une moitié de la montagne, se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le Midi. Et vous fuirez par cette vallée de montagne, car il fera joindre cette vallée de montagne jusqu'à Hatsal, et vous fuirez comme vous vous enfuîtes de devant le tremblement de terre, au jour d'Ozia, roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu viendra, et tous les saints seront avec toi. Et il arrivera qu'en ce jour-là la lumière précieuse, ne sera pas mêlée de ténèbres. Mais le jour sera sans mélange, lequel sera connu de l'Éternel, il n'y aura point une alternative de jour et de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Et il arrivera qu'en ce jour-là des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié d'elles ira vers la mer d'Orient, et l'autre moitié vers la mer d'Occident, il y en aura en été et en hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre, en ce jour-là il n'y aura qu'un seul Éternel, et son nom ne sera qu'un. Et toute la terre deviendra comme la campagne depuis Géba jusqu'à Rimmon, vers le Midi de Jérusalem, laquelle sera exaltée et habitée en sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, et jusqu'à la porte des encoignures, et depuis la tour de la Nanéel jusqu'au pressoir du roi. On y demeurera, et il n'y aura plus d'interdit, mais Jérusalem sera habitée en sûreté. Or, ce sera ici la plaie de laquelle l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem, il fera que la chair de chacun se fondra, eux étant sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leurs langues se fondront dans leurs bouches. Et il arrivera en ce jour-là, qu'il y aura un grand trouble entre eux par l'Éternel, car chacun saisira la main de son prochain, et la main de l'un s'élèvera contre la main de l'autre. Juda aussi combattra à Jérusalem, et les richesses de toutes les nations d'alentour y seront assemblées, l'or et l'argent, et des vêtements en très grand nombre. Aussi la plaie des chevaux, des mulets, des chameaux et des ânes, et de toutes les bêtes qui seront en ces champs-là, sera telle que la plaie précédente. Et il arrivera que tous ceux qui seront restés de toutes les nations venues contre Jérusalem, monteront en foule chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que quiconque d'entre les familles de la terre, ne sera point monté à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, il n'y aura point de pluie sur eux. Et si la famille d'Égypte n'y monte point, et qu'elle n'y vienne point, quoiqu'il n'y ait point de pluie sur eux, ils seront frappés de cette plaie, dont l'Éternel frappera les nations qui ne seront point montées pour célébrer la fête des tabernacles. Tel sera le péché d'Égypte, et le péché de toutes les nations qui ne seront point montées pour célébrer la fête des tabernacles. En ce temps-là il sera écrit sur les sonnettes des chevaux, la sainteté à l'Éternel, et il y aura des chaudières dans la maison de l'Éternel, autant que de bassins devant l'autel. Et toute chaudière qui sera dans Jérusalem et en Juda, sera sainteté à l'Éternel des armées, et tous ceux qui sacrifieront, viendront, et en prendront, et y cuiront, et il n'y aura plus en ce jour-là de chananéens dans la maison de l'Éternel des armées.